Bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal et toutes les deux semaines, j'invite dans ce podcast une personne engagée avec laquelle nous allons discuter des nouvelles croissances qui nous attendent dans la société durable, solidaire et joyeuse de demain. L'utopiste en moi en est persuadé. Non seulement demain n'est pas foutu, mais le futur peut même se révéler être bien plus enthousiasmant que ce que nous connaissons actuellement. Et pour dire au revoir à l'état de crise permanent, il est temps de se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle et ça commence par faire de nos rêves des stratégies. Bon voyage. Bon voyage. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour cet été, je vous propose un pas de côté. Plusieurs pas de côté même, car je me joins à Pierre Chevel du podcast Soif de Sens qui propose depuis quelques années, pendant les vacances, une podcast partie. L'idée est simple, faire découvrir d'autres podcasts qui me plaisent, qui me nourrissent, qui me font grandir et que j'ai envie de vous faire découvrir. Et aujourd'hui, c'est le tour du podcast Sismique de Julien Devorex que je suis avec assiduité et qui donne la parole à Dominique Méda, philosophe et sociologue spécialiste du travail. C'est un échange dense et très nécessaire que je suis content de vous faire découvrir. Bonne écoute. Salut, c'est Julien. Avant de commencer cet épisode, j'ai un message important à vous transmettre. Alors, c'est un petit rappel en lien avec notre partenaire du jour, Assurance Prévention, qui pourrait vraiment vous sauver la vie cet été, littéralement. Parce que voilà, on est en 2025, et même si on parle d'IA, de métaverse, etc., le fait est que les voitures ne se conduisent toujours pas toutes seules. Qu'il y a encore des accidents provoqués par une notification lue au volant. Le genre de chose qui dit « votre colis est arrivé » ou « Nathalie a commenté votre dernier post ». L'inattention, souvent liée à nos téléphones, soyons clairs, est en cause dans un accident corporel sur quatre et a coûté la vie à 390 personnes l'année dernière. Donc, avant de partir en vacances, ou d'ailleurs avant n'importe quel trajet, faites simple. Réglez le GPS, la playlist, les textos, avant de démarrer. Mettez le téléphone hors de portée ou en mode avion, histoire de ne pas être tenté d'y jeter un œil. Et si vous avez un message urgent, faites une pause. Personne ne mérite un SMS posthume. C'est tout bête, mais on se laisse tous tenter parfois, hélas, parce que nos smartphones nous tiennent un peu trop en laisse, mais au volant, on regarde la route, pas ses notifications. Voilà, c'est tout. Je suis vraiment content de participer à cette campagne de prévention et de vous voler quelques secondes pour ça, si ça peut aider à éviter des accidents. Et maintenant, place à l'épisode. Nous vivons une époque de bascule. Le modèle qui a structuré nos sociétés depuis des décennies, travailler plus, produire plus, consommer plus, se fissure de toutes parts. Le travail, longtemps présenté comme une voie de réalisation et de progrès, devient pour beaucoup un lieu de fatigue, de perte de sens, parfois même de souffrance. Et en parallèle, l'urgence écologique nous somme de ralentir, de transformer nos modes de vie, de repenser nos priorités. Mais comment ralentir quand il faut rembourser la dette? Comment sortir du productivisme dans un monde où les autres régions travaillent sans relâche, où la compétition pour l'innovation, les marchés et les ressources fait rage, dans un système mondialisé et ouvert, sur une planète aux limites bien réelles, mais aussi où la guerre pour les ressources fait rage? Cette tension est au cœur de notre époque. Produire moins ou autrement, sans affaiblir notre souveraineté. Travailler différemment, sans sacrifier la protection sociale. Ralentir sans décrocher. Derrière la question du travail, c'est tout un modèle de société qu'il faut réinterroger. Comment on vit, comment on décide et ce qu'on valorise. Pour penser cette complexité, j'ai voulu m'entretenir avec une intellectuelle qui fait le lien entre les grandes dynamiques économiques, les politiques publiques et les aspirations humaines. Dominique Méda est une philosophe et sociologue, professeure à l'Université Paris-Dauphine, spécialiste du travail, de la protection sociale et de la transition écologique. Elle explore depuis des années les failles de notre système et propose des chemins de transformation culturelle. Dans un moment où la tentation du repli gagne du terrain, où l'autoritarisme progresse en réponse au désordre, je vous propose de prendre une heure pour réfléchir à ce que pourrait être une société désirable avec elle. Pas idéale, pas utopique, mais vivable, juste, soutenable. Bonne écoute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. We are in the beginning of a mass extinction. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Ben bonjour Dominique. Bonjour, bonjour Julien. Ben enchanté et merci de m'accorder un petit peu de votre temps pour parler notamment de votre dernier livre, mais plus largement de votre vision du monde et de ses enjeux. Merci beaucoup de me recevoir, ça me fait très plaisir. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter brièvement et me raconter comment vous regardez le monde, quelles sont les lunettes que vous portez pour regarder notre époque? Alors, aujourd'hui, je suis professeure de sociologie à Dauphine, mais j'ai eu en quelque sorte plusieurs vies qui expliquent que j'ai plusieurs paires de lunettes, ce qui est pas toujours évident. Je jongle un peu entre elles. J'ai commencé par faire de la philosophie. J'ai adoré la philosophie. Et ça me semble très important d'avoir une vision philosophique des choses, c'est-à-dire toujours peut-être une manière de se demander si quelque chose est bien ou mal, bonne ou pas, et alors pour les individus bien sûr, mais surtout pour la société. Donc j'ai cette première manière de voir les choses, cette première paire de lunettes. Après j'ai été faire l'ENA, donc j'ai une deuxième paire de lunettes qui est mon intérêt pour les politiques publiques. Et pour la manière dont on pourrait essayer d'améliorer les choses, le fonctionnement de la société. Et ensuite, je suis passée à l'université au bout d'un certain nombre d'années. Et donc aujourd'hui, je suis professeure, j'ai dirigé le labo de sciences sociales pendant une dizaine d'années. Et aujourd'hui, je m'occupe de la préparation au concours administratif de Dauphine. Donc voilà, j'ai différentes paires de lunettes et donc j'ai peut-être une approche un peu particulière par rapport soit à des collègues purement universitaires ou purement énarques, où j'essaye toujours de mélanger ces différentes approches. Donc approche pluridisciplinaire en essayant de varier les regards. Bon, ça tombe bien, c'est un peu ce qu'on essaie de faire aussi dans Sismic. Alors, votre dernier livre s'intitule « Une société désirable ». Donc c'est un titre optimiste et qui peut sembler même parfois un peu décalé par rapport au contexte de crise multiple actuelle, puis d'anxiété climatique et de tensions sociales, etc. Pourquoi en fait avoir fait ce choix d'aller regarder du côté de la désirabilité en fait ? C'est quoi l'axe ? Alors, il y a un sous-titre qui est « Comment prendre soin du monde ?» Je suis pas certaine que ça soit optimiste. En fait, qu'est-ce que j'essaye de dire ? J'essaye de dire qu'on se trouve face à la nécessité d'ouvrir d'immenses chantiers, bah notamment le chantier de la transformation écologique, hein, c'est-à-dire prendre à bras le corps la question écologique. Et pour le faire, je pense qu'on est obligé de montrer à chacun comment la situation sera mieux après qu'avant. D'où l'obligation, en quelque sorte, hein, de montrer que c'est désirable d'opérer cette transition. Alors, désirable pour qui, pourquoi ? Ben, moi, j'aimerais bien le montrer pour tout le monde. Et j'aimerais bien mettre au cœur de notre de ce chantier l'idée qu'il faut améliorer cette société pour les classes populaires particulièrement. Pour deux raisons, hein. Bah, d'une part parce que elles sont très nombreuses, que jusqu'à maintenant on ne s'est pas beaucoup occupé d'elles, et que évidemment elles peuvent avoir envie de freiner le mouvement vers la transition écologique parce que elles peuvent penser qu'elles ont beaucoup à y perdre, que l'écologie c'est des prix plus élevés, c'est du bio pour les bobos, c'est une interdiction de prendre la voiture, c'est des contraintes qui se rajoutent aux contraintes déjà existantes dans lesquelles sont enfermées ces personnes. Donc je pense que ce qu'il faut absolument faire, c'est montrer comment cette nouvelle société, cette nouvelle étape des sociétés, donc des sociétés plus écologiques, plus sobres, post-croissancistes, plus articulées ou plus concentrées sur la satisfaction des besoins essentiels de tout le monde, eh bien comment elle sera meilleure pour tout le monde. Ça veut dire quoi ? Bah, peut-être qu'une meilleure santé, une meilleure alimentation, des sols plus fertiles, plus féconds. J'ai vu que vous aviez reçu Marc-André Sellos. Plus de beauté peut-être, plus de liens. Et aussi, et ça c'est un petit peu mon plus, hein, plus d'emplois, plus intéressants et un changement opéré dans le travail. Et donc voilà, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est comment est-ce que prendre au sérieux la question écologique et donc tenter de la résoudre, ça pourrait en même temps nous permettre de résoudre deux crises très graves que l'on a. La crise de l'emploi, on n'a pas de bons emplois, il y a plein de gens qui sont tenus à côté de l'emploi, et la crise du travail, on a des conditions de travail assez médiocres. Ouais, donc c'est une question centrale, parce qu'on voit bien que dans ces réflexions autour de la trajectoire écologique, il y a vraiment cette question de la projection, puisqu'aujourd'hui elle est souvent perçue comme étant liée à beaucoup beaucoup de sacrifices, et il y en a, et puis ça dépend de qui on parle aussi, ça dépend de quelle classe on parle, et c'est des questions qu'on a déjà abordées beaucoup dans Sismic. Mais il y a cette question aussi de la tension qu'on a entre la situation actuelle, qui n'est pas désirable, en tout cas pour beaucoup de gens, la difficulté à se projeter vers quelque chose de plus désirable via la promesse écologique. Donc comment... je rentrerai par une question, on reviendra là-dessus plus tard. Je veux savoir pourquoi vous avez choisi de faire du travail une question centrale. Vous avez un peu abordé, ça fait partie de l'axe central du bouquin. Mais pourquoi avoir choisi cet angle, alors qu'on pourrait dire que ça peut être c'est pas forcément la question centrale de nos sociétés, en tout cas par rapport à tout ce qui se passe. Mmh. Alors d'abord, je pense que c'est une question centrale. Ensuite, moi, c'est une question qui m'obsède depuis très longtemps. J'ai mon premier bouquin, toute seule, écrit seule, c'était « Le travail, une valeur en voie de disparition ». À l'époque, donc je l'ai écrit en 1995, c'était une réflexion sur la place qu'avait prise le travail dans nos sociétés. Pourquoi est-ce que le travail a pris une telle place? Pourquoi est-ce que il est devenu une norme absolue? C'est-à-dire que quand on travaille pas, on n'est pas grand-chose dans la société. Et donc j'ai essayé de faire une histoire philosophique du travail. Comment le travail est devenu une valeur, et comment peu à peu, il y a un sociologue allemand qui raconte ça, Stéphane Voswinkel. Il dit que le travail, c'est devenu dans nos sociétés la dernière arène dans laquelle on peut faire montre de ses capacités, montrer de quoi on est capable, et susciter l'admiration. Bon, donc voilà, je me suis posé cette première question, et donc je raconte ça dans ce bouquin. Et dans le bouquin, en gros, j'étais assez gorsienne, hein, de tous les bouquins d'André Gorz et les réflexions de Gorz. Et donc, ma thèse consistait à dire, en m'appuyant un peu sur mes références de philosophie grecque, par exemple, j'essayais de montrer pourquoi ça serait vraiment important d'arriver à réduire la place du travail dans nos vies individuelles et dans notre vie sociale, pour faire plus de place à d'autres activités, des activités politiques, citoyennes, donc dans lesquelles on délibère ensemble sur la société qu'on veut, la manière dont on veut qu'elle fonctionne. Et puis je pensais aussi que ça serait une manière de rééquilibrer le partage des tâches domestiques et familiales entre les hommes et les femmes. Voilà. Et j'ai travaillé très longtemps sur cette question. J'ai travaillé au ministère du Travail pendant une quinzaine d'années, où je m'occupais de faire le lien entre le monde de la recherche et les administrations. Et aujourd'hui, plus que jamais, cette question, elle me paraît essentielle, parce que d'abord, il y a des gens qui se réalisent dans leur travail, il y a des gens qui souffrent dans leur travail, il y a beaucoup de gens qui souffrent dans leur travail, hein. Alors moi, comme je vous disais, j'ai beaucoup travaillé à la DARES, la direction de l'animation de la recherche d'études et statistiques du ministère du Travail. C'était une direction qu'avait créée Martine Aubry à l'époque pour faire contrepoids à l'expertise de Bercy. Et donc, on menait beaucoup de recherches sur ces questions. Et donc, ce que montrent ces études de la DARES, c'est que il y a beaucoup de gens qui souffrent du travail dans le travail, et les conditions de travail en France, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et il y a une sorte de déni là-dessus, hein, sont très très très très médiocres. Quand on compare, quand on fait une comparaison européenne, même plus large que l'Europe, hein, sur 36 pays, la France est parmi les derniers pays pour les conditions de travail. Et c'est vrai de la pénibilité physique, c'est vrai des contraintes émotionnelles, c'est vrai de l'absence de possibilité d'avoir une voix, d'être consulté quand on fait quand il arrive la moindre chose, y compris à votre propre poste de travail. Et donc finalement, il y a un vrai problème avec le travail, il y a un vrai malaise au travail. Et donc, d'où mon raisonnement, hein, si on était suffisamment malin pour, lorsque l'on engage cette transition écologique, ce que j'appelle une reconversion écologique, si on était assez malin pour en profiter, pour régler cette question du travail, rendre le travail plus intéressant, plus opérateur de santé, comme disent mes collègues, ce serait vraiment formidable. Je voudrais qu'on va revenir sur ces questions-là pour aller un peu plus dans le détail, pour comprendre aussi ce que vous dites, parce que je pense que ça pourra paraître contre-intuitif, ce que vous venez de dire sur le fait qu'on est un des pays d'Europe avec le plus de souffrance au travail, alors qu'on a énormément de protection sociale, qu'on a les 35 heures, etc. Donc on revient un petit peu en arrière, puisque dès le début de votre livre, vous en parlez. Je commence par faire un peu d'histoire, donc pour que vous m'aidiez à comprendre les points de bascule qu'ont été notamment les années 80 et plus tard la mondialisation, en fait, à marche forcée, on va dire, à la fin des années 90, et le passage de ce qu'on appelle le consensus de Philadelphie ou consensus de Washington, parce que ça me semble clé pour comprendre voilà, dans quel monde on est par rapport au monde d'avant, entre guillemets, qui n'est pas si lointain et que qu'on a pu oublier d'ailleurs. Oui, c'est très très important. Vous avez parfaitement raison de regarder ce basculement. Donc, en 1944, il y a plusieurs événements très importants. Il y a en France le texte du CNR, du Conseil national de la résistance, qui dit que à la sortie de la guerre, on mettra en place un plan complet de sécurité sociale. Il y a la déclaration de Philadelphie. À Philadelphie, donc l'Organisation internationale du travail se reconstitue et donc affirme à nouveau que le travail n'est pas une marchandise, si on veut la paix, on a besoin de justice sociale, etc. Et 44, c'est aussi l'année où William Beveridge, un auteur très important, publie un bouquin qui s'appelle Le plein emploi, the full employment in a free society, le plein emploi dans une société libre. Et il a écrit en 1942 un texte également très important où ce qu'il dit en gros, c'est à la sortie de la guerre, on mettra en place une espèce de révolution où l'État devra assurer des fonctions de bien-être pour l'ensemble des citoyens. Donc on est là-dedans, et ce qu'on appelle le consensus de Philadelphie, c'est ce qui se déploie à partir de 45. Bon, en 45, on sait en France, hein, octobre 45, ordonnance qui crée la sécurité sociale, et c'est très important. Moi, je raconte chaque année à mes étudiants, on lit ensemble l'exposé des motifs de ces ordonnances, parce que ce qui est dit est extrêmement important. Ce qui est dit, c'est que on va créer la sécurité sociale, on va la donner à gérer par les intéressés eux-mêmes, donc on sera dans une forme de démocratie sociale, et on va organiser une vaste redistribution du revenu national des classes les plus aisées vers les classes moins favorisées. Et donc on va faire à la fois une redistribution horizontale des célibataires vers les gens chargés de famille, pas malades, des bien portants vers les malades, etc. Mais aussi une redistribution horizontale. Et pourquoi ? Eh bien, pour faire en sorte que les travailleurs sortent du mépris dans lequel les classes dirigeantes les tiennent. C'est écrit ça dans l'ordonnance. C'est extraordinaire. Et donc voilà, on est dans cette atmosphère en 45 où l'idée c'est la société sera de plus en plus salariale, la vraie opposition c'est entre patronat et syndicats. On va avoir sans cesse du progrès social. Les salariés doivent être protégés. L'État doit assurer des fonctions éminentes de bien-être, etc., etc. Et puis cette époque, c'est aussi celle où Friedrich Hayek, un homme qui à l'époque est pas très connu, il est réfugié. Il était autrichien. Il est réfugié en Angleterre. Et il écrit un bouquin qui s'appelle « La route de la servitude ». Dans laquelle il dit, faites attention, les Anglais, on est en train d'être devant un péril aussi important que ce que celui dans lequel on a été plongé depuis quelques années, c'est-à-dire la guerre, le nazisme, etc. Alors on se dit, ah ouais, qu'est-ce que c'est? Et ben pour lui, c'est précisément le rapport Beveridge. C'est-à-dire, ce qu'il nous dit, c'est attention. En gros, ce qui était embêtant dans le national-socialisme, c'était pas national, c'était socialisme. Et en fait, sa bête noire, c'est le planisme et l'idée que les humains, en s'organisant, peuvent inventer un ordre construit. Pour lui, ça marche pas. Il faut suivre l'ordre spontané, le marché, etc. Et donc, cet homme qui écrit ça, ce bouquin paraît à l'époque complètement invraisemblable, mais peu à peu, ses idées vont cheminer pour arriver en 1980, à ce qu'on appelle le consensus de Washington, donc porté par les grandes institutions financières, la Banque mondiale, le FMI aux États-Unis, avec un consensus qui est en tout point opposé. On ne veut plus de l'intervention de l'État. L'État, finalement, il est, ses fonctions sont exercées par des gens qui sont exclusivement intéressés par leur propre carrière. La protection sociale collective, c'est pas bien. Il faut que chacun s'assure. La seule instance capable d'allouer correctement les ressources, c'est le marché, etc., etc. Et donc, en 40 ans, comme ça, on a basculé complètement. On va de surcroît sortir du keynésianisme, passer au monétarisme avec une grande attention accordée à la quantité de monnaie, à l'inflation, etc., etc. On pourrait passer beaucoup de temps là-dessus. Et je renvoie les auditeurs aussi vers l'épisode avec Naomi Oreskes, qui a sorti justement un livre là-dessus, qui est dédié à cette question du mythe du marché, selon elle, comme étant capable d'organiser la société. C'est intéressant quand même de ramener à la fois à l'économie, puisqu'elle est extrêmement structurante dans la manière dont la société fonctionne, et puis elle n'a peut-être jamais été aussi structurante qu'aujourd'hui, puisqu'elle est complètement libérée avec la mondialisation, et puis aussi à la notion de travail qui va toucher les individus, puisque finalement c'est ce qui occupe une grande, grande partie de notre temps. Nous, j'aimerais qu'on revienne aussi, puisque vous avez beaucoup d'exemples là-dessus, à ce qu'on a commencé à aborder avec le cas de la France. Et peut-être s'attarder sur ce que vous avez dit, justement, le fait que vous montrez que la France a les pires conditions de travail d'Europe, en tout cas d'après ce que les chiffres montrent, avec un record d'accidents mortels, alors que voilà, on a parmi les meilleures conditions sociales et le plus de jours de congés. Et on voit bien que à chaque fois dans le débat public autour de la question du travail en France, il y a cette tension-là entre ceux qui vont dire mais on travaille pas assez, on a énormément de vacances, on fout rien par rapport aux autres Européens ou à d'autres, ou même aux pays asiatiques, aux Américains. Pour prendre les grands pôles économiques. Et puis ceux qui disent, vous rendez compte aussi les conditions de travail qui se détériorent, etc. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer cet état de fait que vous montrez dans le livre et ce paradoxe apparent? Oui. Cette chronique, en quelque sorte, de la dégradation des conditions de travail, elle est tenue justement par cette direction statistique du ministère du Travail, dont j'ai parlé tout à l'heure, la DARES. Et on a une enquête qui s'appelle l'enquête conditions de travail, qui existe depuis 1978 et qui est à la fois une enquête déclarative, c'est-à-dire on demande aux gens, on pose aux personnes un certain nombre de questions, mais on leur pose aussi des questions relate des faits objectifs, par exemple combien de fois vous devez porter un colis par heure, ou bien combien de fois un objet va passer devant vous, etc., etc. Je dis ça bien sûr parce que cette enquête va être critiquée. Alors c'est sur cette enquête que l'on s'appuie pour dire qu'il y a eu une dégradation des conditions de travail depuis les années 80, avec un mouvement, il y a eu une pause dans l'intensification, ce qu'on appelle l'intensification des conditions de travail, c'est le fait de travailler toujours plus vite dans un délai toujours plus court. Ça, personne ne le conteste, il y a eu depuis les années 80 une intensification du travail, avec une pause entre 1997 et 2005, et puis une reprise de l'intensification autour de 2013. Alors, en effet, ce qui apparaît à partir non seulement de cette enquête française, mais surtout de l'enquête qui est passée sur 36 pays, c'est que nous sommes très très mal placés sur un certain nombre d'items que je vous citais tout à l'heure, c'est-à-dire les pénibilités physiques. Alors, en effet, ça peut paraître bizarre. Comment se fait-il que dans un pays très développé comme la France, il y ait beaucoup de pénibilités physiques? D'abord, il y a encore plein de métiers où on fait des gestes répétitifs, hein, donc c'est là aussi qu'on est mauvais. Posture douloureuse, gestes répétitifs, mouvements répétitifs, de la main ou du poignet, bah vous pensez, je sais pas, à tous les gens qui portent des colis, encore il y a encore beaucoup de travail à la chaîne, mais aussi aux coiffeurs, bien sûr aux aides-soignantes qui portent des corps très très lourds. Bref, vous avez de plus en plus, je dirais, de métiers qui sont soumis à des cadences et à des rythmes extrêmement il y a un ça, problème ça c'est pareil sur le non je dis ça c'est la même situation un peu dans tous les pays. Donc puisqu'on voit les mêmes, les emplois sont structurés pareil, donc c'est quoi qui fait absolument la spécificité française? Alors, entre guillemets, quelle est la différence spécifique? À mon avis, y en a deux, hein. D'une part, on est dans une, et les deux se tiennent, d'une part, on est dans une tradition où l'entreprise est organisée de façon très hiérarchique. On a encore les vieux souvenirs, ce que raconte Philippe Diribarne, hein, la différence entre noble et non noble, etc. Bref, on a une conception très hiérarchique de l'entreprise avec des dirigeants très puissants, des petits chefs, et c'est l'autre élément que je voulais citer, des syndicats qui sont quand même peu nombreux, hein, on a un taux de syndicalisation de 11%, il y a peu de syndicats dans les petites entreprises. Et si vous comparez à des pays comme l'Allemagne, donc nous on a un taux de à peu près de 11% de taux de syndicalisation, l'Allemagne est à peu près à 18%, dans les pays du Nord vous êtes à peu près entre 60 à 70%. Et donc quand même notre spécificité, c'est de donner beaucoup moins la parole aux salariés ou à leurs représentants en France que dans d'autres pays. En Allemagne, vous avez des conseils d'entreprise qui sont très puissants, dans lesquels il n'y a pas le chef d'entreprise. Dans les pays, et vous avez, à la fois en Allemagne et dans les pays du Nord, ce qu'on appelle la codétermination, c'est-à-dire un très grand pouvoir accordé aux salariés ou à leurs représentants, aux partenaires sociaux, qui négocient absolument tout. Et ça, on sait qu'on a une conception et une organisation des relations sociales en France qui est très particulière et qui fait que les salariés, finalement, ils sont pas bien protégés. Alors, d'où vient le fait que souvent on argumente qu'on a une culture française de la plainte, que oui, les syndicats seraient responsables aussi de cette approche conflictuelle, voilà, pour faire un peu l'avocat du diable aussi. Oui, vous avez raison. Bon, bah, c'est toujours l'histoire de la poule et de l'œuf, hein. Moi, j'ai pas mal travaillé sur les pays nordiques et j'ai été intéressée parce que dans les deux pays principaux, Danemark-Suède, on a eu il y a très longtemps des conflits sociaux extrêmement durs en 1899 au Danemark, 1938 en Suède, très durs, violents, avec des morts, etc., qui ont conduit à ce que syndicats et patronats se reconnaissent mutuellement et décident de bosser ensemble. Alors, ça ne veut pas dire que les syndicats sont des bénis oui-oui, loin de là, hein, mais il y a des espèces de textes qui organisent leurs relations et qui font que, d'une certaine manière, les salariés sont beaucoup mieux protégés que dans un pays comme la France, où on n'a jamais réussi à organiser ça. Voilà, du coup, j'ai complètement oublié votre question. C'est pas grave. Non, c'était lié justement à ce mythe persistant, enfin, voilà, mythe ou pas mythe, qui serait que en fait en France on se plaint toujours et qu'en fait les conditions sont pas pires qu'ailleurs et qu'on est super protégé. Oui. Donc arrêtez. Non, bien sûr. Donc je disais poule œuf, est-ce qu'on a des syndicats qui sont pas suffisamment dans la coopération, ou est-ce qu'on a un patronat qui est trop fermé? Ça se discute. En même temps, hein, pour donner un début de réponse quand même. Chaque fois qu'on a essayé de faire une réforme de l'entreprise, par exemple, il y a eu deux rapports très importants en 1963 en France sur la réforme de l'entreprise par un haut fonctionnaire, Bloch-Lenné, et puis en 1975 par Sudreau, deux rapports qui disaient, bon, là, ça va pas dans l'entreprise, on peut pas en rester là, quoi. Il faut avancer, il faut faire des réformes. Bah, le patronat a été vent debout et il s'est rien passé. Donc, je pense qu'on a un problème avec notre patronat. Maintenant, ce que vous dites sur les Français, ils se plaignent toujours, donc tout ça est pas vrai. Alors ça, moi, on me l'a dit des tas de fois quand je présente très souvent ces résultats, et toujours on me dit mais c'est une enquête déclarative. Donc en fait, si on a compris que les Français c'était des râleurs, ils sont jamais contents, ils sont les plus tristes du monde, alors que tout va bien, eh bien c'est pareil avec les conditions de travail. Alors ce que je réponds en général, c'est que bon, peut-être il y a eu une forme de plainte particulière des Français, et puis ça permet d'améliorer les choses, hein. Mais on a quand même des éléments très objectifs. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que cette enquête, elle comporte des éléments très objectifs. Et surtout, bah, il y a cette affaire quand même d'accident du travail, mortel et non mortel, qui nous dit qu'on n'est pas complètement dans l'erreur quand on se dit qu'il y a un problème avec les conditions de travail. Il y a un véritable problème. Est-ce que les 35 heures, vous parliez d'aggravation, d'intensification du travail, est-ce que les 35 heures ont contribué finalement à mettre plus de pression en compressant, entre guillemets, le temps de travail? Vous vous doutez qu'il y a eu un nombre de débats infinis là-dessus. Alors, plein de réponses, très vite. On aurait pu s'attendre à ça, puisqu'en fait, le financement des 35 heures, il reposait en partie, pour un tiers, sur l'idée qu'on allait faire des gains de productivité. Et les gains de productivité, bien sûr, ça consiste à travailler, à produire plus dans moins de temps. Mais c'était compensé d'une certaine manière par le fait que dans la première loi Aubry, il y avait l'idée qu'on allait avoir des créations d'emplois. Donc, on réduisait le temps de travail, mais il fallait, en contrepartie, créer des emplois. Ça n'est pas ce qui s'est passé dans la deuxième loi Aubry, parce que si on se souvient bien de ce qui s'est passé, lorsque Martine Aubry a annoncé première loi de réduction du temps de travail, le patronat était fou furieux et a tout fait pour s'y opposer. Et il y a donc eu une deuxième loi Aubry qui, elle, donnait une aide aux entreprises sans les obliger à créer des emplois. Et là, en effet, dans un certain nombre d'entreprises, ça a dû contribuer à intensifier le travail. On a eu des évaluations assez diversifiées sur cette question. Par exemple, il y a eu un papier qui a montré que, au contraire, pendant les 35 heures, on avait eu une moindre intensification du travail. Les jeunes, pareil, je reste un peu sur ce qu'on entend. Ce qu'on entend souvent, enfin, vous contestez l'idée que les jeunes ne voudraient plus travailler, et pourtant on a les employeurs qui peinent à recruter, on a les démissions qui augmentent. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas malgré tout un vrai changement de mentalité et comment vous décrivez cette tension? Alors vous avez raison, on entend énormément cette idée que les jeunes voudraient plus bosser, ils sont devenus paresseux, ils sont matérialistes, ils pensent qu'à leur RTT, ils veulent bosser à la maison. Bref, ils sont devenus complètement rétifs à l'effort, quoi. La fameuse génération Z, alors on classe par génération, enfin bon. Alors il y a plein de chercheurs qui ont montré, c'était un stéréotype, c'est-à-dire que ça existe depuis très longtemps. En 1972, il y avait une étude qui avait été faite par le Centre d'études de l'emploi où les employeurs disaient « Oh là là, on n'a plus du tout la même qualité de main-d'œuvre qu'avant. Avant, les gens étaient attachés au travail. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus bosser. » Donc ça, c'est vraiment une espèce de truisme quoi qui traverse les époques. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Alors certes, le Covid a donné un coup, a fait réfléchir les gens, a donné un coup aussi, alors bien sûr, a développé a fait que le télétravail se développe, mais surtout a accru le malaise vis-à-vis du travail. Alors qu'est-ce que ça a fait? Il n'y a pas eu, comme on le dit, de grandes démissions. Hein. Simplement, les gens qui étaient coincés dans des emplois à mauvaises conditions de travail, ils en ont profité pour changer d'emploi et essayer de trouver des conditions de travail meilleures. Et quand on parle des jeunes, il faut bien voir quelque chose. Hein. En quelque sorte, d'abord, ils sont très maltraités, les jeunes. Ils mettent un temps fou à s'insérer sur le marché du travail. Il faut voir, en ce moment, il y a mon master qui commence. Donc maintenant, les jeunes, ils sont étiquetés rangés, hiérarchisé dans Parcoursup, dans mon master, enfin dans tout un tas de procédures qui leur montrent que finalement ils sont pas bons, quoi. C'est-à-dire qu'ils attaquent leur estime de soi. On leur demande d'avoir un projet, de savoir ce qu'ils voudront faire, mais quand même les portes sont assez fermées. Quand ils font des candidatures, on leur répond pas. On nous dit que les jeunes sont plus attachés à l'entreprise, mais l'entreprise les a tellement maltraités. Je veux dire, quand trop souvent dans les stages, ils ont des stages très peu payés, on leur apprend pas le métier, on les utilise de manière vraiment très très instrumentale, quoi. Leur taux de chômage est très élevé, hein, il est le double de la moyenne quand même, on doit être là à 17 18 %. alors que la moyenne est à 7-8. C'est eux qui ont les contrats à durée déterminée de façon tout à fait extraordinaire en volume, hein. Bref, ce que je veux dire, c'est que les jeunes, ils ont compris que finalement, les entreprises sont pas spécialement attachées à eux, ne les traitent pas spécialement bien, et donc ils sont un peu sur leur garde. Et par ailleurs, il faut voir les évolutions qui se sont passées à la fois sur le marché du travail, donc hein, des conditions plus difficiles, mais aussi dans l'ensemble de la société, hein. C'est-à-dire que il y a eu comment dirais-je, c'est évidemment pas une arrivée des femmes sur le marché du travail, mais une augmentation permanente du taux d'activité des femmes. Aujourd'hui, on a plus que 5 points de différence entre les hommes et les femmes en matière de taux d'emploi. Ça veut dire que y a beaucoup de gens au travail et que toutes les autres activités, les activités familiales, amicales, etc., elles sont à portions congrues et que tous ces jeunes, hommes et femmes, eh ben, ils revendiquent aussi d'avoir un peu de temps pour s'occuper de leurs amis, de leur famille, etc., ce qui n'est absolument pas scandaleux. Et si vous voulez, on est sorti d'un modèle, là encore, où on avait un homme qui travaillait de 8h du matin à 20h, voire pour certaines professions libérales, hein, qui nous disent « Ah, bah, les femmes, elles veulent plus bosser. » Je pense aux médecins, par exemple, qui des médecins qui disent ça. Bah oui, mais ces hommes, en général, ils étaient complètement dévoués à leur travail et ils avaient des femmes à la maison qui s'occupaient de leurs enfants. C'est complètement terminé, ça. Je voudrais avoir votre point de vue sur cette tension qu'on perçoit tous entre, en tout cas je perçois, entre ce désir, entre guillemets, de moins travailler, d'avoir plus de temps pour soi, de travailler mieux, cette nécessité aussi quelque part de ralentir quand on regarde la problématique écologique, et puis on y reviendra, et l'injonction, enfin le besoin de maintenir une économie, de maintenir de la croissance parce que le système fonctionne comme ça aujourd'hui, de maintenir la compétitivité, de maintenir la souveraineté, d'être capable de produire dans un marché extrêmement compétitif. Voilà, comment est-ce que vous regardez cette tension et notamment est-ce que c'est une grille de lecture qui est correcte pour comprendre les débats autour de l'économie, autour de la croissance, autour de la transition, pour commencer par du large. Oui. Alors, vous avez raison, hein. Moi, je suis peut-être un petit peu idéaliste. Et quand je suis arrivée à l'ENA, j'ai fait l'ENA entre 87 et 89, j'ai été immédiatement plongée dans un système de pensée où on ne parlait que de compétitivité. C'était déjà à l'époque, hein, compétitivité. C'est-à-dire, en effet, dans un monde qui commençait à se globaliser, l'idée que il faut se maintenir à flot, quoi. Et c'est évidemment un sujet hyper important, c'est sans doute le plus important, hein, cette globalisation, parce que de fait, tous nos systèmes nationaux sont mis en compétition les uns avec les autres, et c'est pas seulement les entreprises, c'est du coup nos systèmes sociaux, puisque très rapidement, par exemple, l'OCDE, donc l'organisation des pays les plus riches, a commencé à dire, il faut baisser vos niveaux de protection sociale et de protection de l'emploi, si vous voulez, vous, les pays riches, vous maintenir à niveau. Et on est là-dedans depuis le début. Je veux dire, le patronat ne cesse, enfin le MEDEF ne cesse de nous dire que nous ne sommes pas assez compétitifs. Et donc, puisque les entreprises, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est elles qui donnent des salaires, des revenus, etc., alors il faut absolument être compétitif. Et le dernier discours de Ursula von der Leyen, qui nous met de côté le Green Deal, hein, c'est au nom de la compétitivité. Bon, donc comment on peut traiter cette question? Longtemps, à gauche, on l'a traité avec l'idée qu'il fallait pas s'intéresser qu'à la compétitivité prix, mais à la qualité des produits. Et il me semble que c'est toujours la réponse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit, sur quoi on veut être compétitif. Et comment on peut l'aider? Il me semble que, alors la France est coincée, on le sait, hein, la France a été longtemps coincée entre l'Allemagne qui faisait des produits de grande qualité, de meilleure qualité que nous, et les pays du Sud, Espagne, Italie, qui nous battaient sur la compétitivité prix. Et nous, on avait encore quelques niches, hein, en effet, l'aéronautique, on a l'agriculture. Moi, je pense qu'il faut qu'on joue en effet sur nos avantages comparatifs et qu'on continue à miser ce que l'on ne fait pas en ce moment sur la qualité de notre main-d'œuvre. On a quand même une main-d'œuvre de très grande qualité. Jusque-là, on avait une main-d'œuvre de très grande qualité. Donc voilà, moi j'ai envie de remettre sur le tapis la question de qu'est-ce qu'on produit ? Qu'est-ce qu'on produit avec quelle qualité ? Et une de mes réponses, c'est qu'on ne peut pas raisonner seulement à l'échelle française, mais qu'il faut maintenant qu'on raisonne vraiment complètement à l'échelle européenne. Moi, je mets beaucoup d'espoir, c'est un peu mes derniers espoirs. Vous me disiez tout à l'heure que j'étais optimiste. Mon dernier espoir, c'est qu'on parvienne à se rendre compte que l'Union européenne, c'est notre champ, c'est le champ, le périmètre dans lequel on peut organiser notre production, nos échanges, notre solidarité. Je comprends pas pourquoi on n'a pas plus de champions européens. Alors si, je comprends pourquoi, parce que au cœur quand même de la construction européenne, il y a la concurrence, justement. Et donc c'est absolument là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Mais voilà, je pense que si on parvenait à faire en sorte que l'Europe soit un peu plus autonome, un peu plus autosuffisante et beaucoup plus solidaire, alors on aurait fait un grand pas. Et on peut se préoccuper bien sûr de la compétitivité, mais en ayant de vrais objectifs devant nous, c'est-à-dire notamment l'objectif de satisfaire les besoins essentiels de notre population européenne. Oui, donc si je comprends bien, il y a cette idée que la bonne échelle, c'est l'Europe, que c'est pas forcément, c'est un peu contre-productif d'essayer de mettre toutes les entreprises européennes en concurrence entre elles plutôt que d'essayer de créer justement des pôles au niveau européen qui puissent permettre de faire un bloc qui soit suffisamment gros par rapport aux autres blocs géographiques. Ouais, c'est ça, surtout en ce moment, oui. Puis une question liée à État contre marché, on va dire, puisqu'il y a notamment pour tout ce qui est de la réorganisation autour de la transition écologique, mais pas que, puisque ça va concerner aussi c'est-à-dire la capacité à créer des champions européens de l'industrie, enfin à organiser la production à grande échelle. Donc il y a certaines personnes sont convaincues que il faut pas de planification, que c'est le, comme on l'a dit, ça vient de théorie économique aussi, hein, mais je voudrais revenir là-dessus, que le marché peut organiser ça, que les entreprises en fait peuvent s'organiser et que c'est ça qui va favoriser l'innovation. Vous dites que la planification écologique est nécessaire et qu'on a besoin de revenir à une économie administrée pour se projeter sur le long terme et puis pour gérer des enjeux extrêmement complexes comme ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette tension, déjà pour qu'on la comprenne, et comment le débat s'organise autour de ces sujets-là et votre point de vue? Alors c'est vilain de dire planification égale économie administrée. Ah, très bien, alors précisez-moi. Parce que moi, je pense qu'on peut avoir de la planification sans économie administrée. Alors je vais vous parler d'un auteur que j'adore parce qu'à la fois c'est un théoricien et c'est un homme politique. Et si on l'avait écouté, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. C'est celui qui était vice-président de la Commission européenne en 1972. D'ailleurs, il était commissaire de la Commission européenne depuis bien longtemps. Il est arrivé en 58, donc il a vécu tout. Il a vécu la création du marché commun. Il était chargé de l'agriculture. Il a mis en place une agriculture très productiviste, donc il était détesté d'une partie des agriculteurs. Et donc, il est vice-président de la Commission européenne en 71 et aux vacances de Noël, il lit les bonnes feuilles du rapport Meadows. J'ai vu que vous aviez eu la chance de recevoir Denis Meadows. Il lit donc les bonnes feuilles du rapport Limits to Growth et il est complètement bouleversé. Je dirais qu'il opère une conversion. C'est pour ça que moi j'utilise ce terme de reconversion écologique. Il est bouleversé et il écrit une lettre à son collègue, le président de la Commission européenne, en lui disant « il faut qu'on organise tout de suite la bifurcation écologique de l'Europe. Il n'y a que l'Europe qui peut le faire, les autres pays, continents ne sont pas en état de le faire. Nous devons organiser la bifurcation écologique de l'Europe. » Et là-dessus, il écrit un texte d'une petite dizaine de pages qui est absolument extraordinaire, dans lequel il explique comment on pourra faire. Et dans ce texte, notamment, il développe l'idée qu'il faudra une planification de la production, une planification à la fois européenne et nationale, donc que les deux soient articulés, que bien sûr, il faudra consulter ou la construire avec les régions, avec les partenaires sociaux, avec tout le monde, mais qu'on est obligé, si on veut organiser cette bifurcation et ne pas aller dans tous les sens, il faut évidemment l'orienter, la diriger, l'orienter. Et il donne toute une série de recettes, de conseils, de recommandations pour voir comment on va procéder. Par exemple, il dit que il faut adopter une certaine dose de protectionnisme autour. Alors à l'époque, l'Union européenne, on n'est que six, hein. On n'est que six les six fondateurs qui se ressemblent assez. Donc, il va falloir se protéger, il va falloir organiser la production à l'intérieur de nos territoires. Il va falloir, dit-il, orienter la production vers la satisfaction des besoins essentiels, donner la priorité, en effet, à la production de biens publics sur les biens privés. Bref, mettre là un petit peu le marché en veilleuse, mais... Il reconnaît tout à fait que le marché était essentiel. Il n'est pas du tout contre le libre-échange. Simplement, il faut l'organiser. Et c'est pas du tout un bolchevique. Hein, il n'a pas le couteau entre les dents. C'est un socialiste. C'est un socialiste néerlandais. Et lui-même, il se pose pas mal de questions. Hein. Lui-même, il dit je sais que l'État c'est pas le meilleur pour organiser la production. Mais voilà, l'idée c'est un petit peu comme en 46, de rassembler toutes les forces, de les mettre autour de la table pour voir en effet quel type de production on va bien pouvoir faire. Mais je pense pas qu'il s'agisse d'une production complètement administrée. Mais c'est vrai que si on veut organiser cette bifurcation, il faut bien coordonner les efforts, quoi. Et puis savoir, par exemple, et là c'est très important chez lui, hein, il dit qu'il va falloir renoncer à la publicité. Qu'on va devoir renoncer au gaspillage, c'est-à-dire on va pas s'amuser à produire n'importe quoi pour le mettre à la poubelle. On va produire ce dont on a besoin. Et donc ce monsieur, c'était Sico Munchold, c'est ça ? Oh, j'ai pas dit son nom ? Non, c'était un très long teasing. Ah, c'est dingue ! Oui, il s'appelle Sico Munchold. Et donc sa fameuse lettre a été publiée récemment par les éditions du Petit Matin. J'ai fait une petite préface parce que c'est moi qui l'ai proposé aux éditions les Petits Matins, parce que le texte était épuisé, alors que je le trouve pour aujourd'hui, c'est un véritable viatique, quoi. Donc on entend bien qu'il y a... Il y a vraiment deux idéologies qui s'opposent. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, entre cette idée que il faut laisser faire le marché ou alors il faut le réguler, au moins en partie. Je voudrais qu'on reste un peu là-dessus pour comprendre pourquoi ça bouge pas, en fait. Comment la tension s'organise et comment même on a l'impression que ça s'amplifie et que c'est clairement l'idée que il faut faire sauter toutes les régulations, qui est en train de gagner. Comment ça s'organise en France au niveau européen et puis même plus largement, comment vous percevez les choses ? C'est absolument dramatique ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'en effet, on est face à une question qui est immédiatement mondiale, puisque je produis du CO2 n'importe où, j'augmente la quantité mondiale de CO2 dans l'atmosphère. Donc, on devrait avoir une réponse mondiale. Et si un seul ne le respecte pas cela... Eh ben les autres sont embêtés parce que c'est une forme de dumping, c'est un dumping environnemental finalement. Et c'est ce qui est en train de se passer. À partir du moment où les États-Unis nous disent que eux ils vont forer à mort et produire et extraire du pétrole et ne rien respecter, évidemment leurs entreprises sont dans une situation bien meilleure que les nôtres et donc on est plus ou moins obligé de suivre. Donc on n'est pas encore suffisamment organisé au niveau européen pour résister, pour faire. Pourtant, on est un continent on pourrait être tout à fait capable d'opposer une résistance. Il me semble qu'on n'a pas encore pris sinon la mesure des enjeux, au moins les décisions qui nous permettraient d'organiser notre résistance, quoi. Et donc, la crainte qu'on peut avoir, c'est que tout peu à peu se dérégule. C'est le fameux discours. J'ai une chronique dans Le Monde tous les mois, et mon avant-dernière, c'était bien sur ce discours de Ursula von der Leyen, qui nous dit, en gros, je choisis de renoncer aux grandes mesures du Green Deal, c'était hyper important. Donc, on renonce plus ou moins directive très importante qui demandait aux entreprises de rendre des comptes, ça s'appelle la double matérialité, sur non seulement la manière dont leurs comptes sont impactés par le reste du monde, mais la manière dont elles impactent leur environnement naturel et social. La CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Celle-là, elle est mise en veilleuse. Une autre, presque presque complètement supprimée, c'est la directive sur le devoir de vigilance. Nous, on a un texte sur le devoir de vigilance qu'on a mis en place en 2017 en France, mais on avait réussi à convaincre l'Europe de faire pareil. Et donc, c'est l'idée que les entreprises, elles sont responsables de toute leur chaîne de valeur. Et donc, elles peuvent pas se désintéresser de ce qui se passe très, très loin si elles se sont approvisionnées dans du travail des enfants ou des choses comme ça. Plus la taxonomie européenne, c'est-à-dire qu'est-ce qui est considéré comme bon pour le développement durable et pas. Donc, tout ça, on est en train plus ou moins d'y renoncer pour... parvenir à rester compétitif, en effet, par rapport aux Américains. Et on voit bien que, alors, déjà, les patronats, hein, patronat français, patronat allemand, patronat italien, avaient émis de grosses critiques contre l'ensemble de ces directives, parce qu'ils veulent avoir leur liberté totale. Moi, il me semble que ce qu'on doit dire sur cette question, c'est que la dérégulation totale, ça va être une catastrophe, mais pour tout le monde. Et aussi, alors d'abord pour les entreprises qui ont commencé à s'engager dans la transition écologique, mais il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, quand même, les Chinois, eux, bah, d'une certaine manière, ils font beaucoup d'efforts sur la transition écologique, hein, notamment enfin, la question climatique. Et donc, si on ne se met pas à respecter en quelque sorte les objectifs de diminution d'empreinte carbone, un jour ou l'autre, ça retombera sur le nez de nos entreprises. Oui, puis on voit que maintenant le gouvernement américain est en train de faire une espèce de chantage sur ces questions-là en disant aux entreprises, en gros, si vous n'allez pas dans notre sens, vous ne pourrez plus bosser aux États-Unis, sur les questions d'inclusion aussi, enfin voilà. Absolument, c'est vraiment terrible, ouais. Hein, cette espèce de chasse, cette espèce d'obsession sur les politiques d'égalité et d'inclusion, c'est tout à fait sidérant. Et c'est très angoissant parce que de fait, on voit bien que ça va d'une certaine manière nous retomber dessus, hein, ça va aussi avoir des conséquences dans nos pays. Donc on a cette tension aussi entre court terme et long terme, entre la transition écologique qui est un arbitrage plus long terme, qui va avoir des conséquences si elle n'est pas faite, et puis les emplois entre guillemets à court terme. Je voudrais qu'on revienne un peu sur cette transition, la manière dont elle a été présentée aussi, puisqu'elle est présentée souvent comme ayant des conséquences négatives justement sur une partie des emplois. Et vous évoquez qu'il y en a 8 millions d'emplois qui sont concernés potentiellement par la transition écologique. Donc face à des phénomènes comme les gilets jaunes qui ont commencé sur une question de carbone, face à la crise agricole, comment est-ce qu'on évite justement que cette transition, en théorie en tout cas, ne crée encore plus de tensions sociales? Et puis en pratique, comment on fait pour expliquer ça, quoi, et pour convaincre? Alors j'ai envie de vous faire la même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire en mettant les classes populaires au cœur, c'est-à-dire non pas en les oubliant comme on l'a fait en 2018, faut vraiment tirer les enseignements de ce moment, hein. En 2018, on fait la taxe carbone et on regarde pas qui va être impacté. Et évidemment, c'est une partie des classes populaires qui le sont le plus. Alors même que certains, hein, dans les administrations et les cabinets, avaient bien attiré l'attention là-dessus sur les risques que cela pouvait entraîner, et avait dit qu'il fallait en gros mettre 1 milliard sur la table pour accompagner la chose, et ça n'a pas été fait. Donc je disais, en mettant les classes populaires au cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, en ce moment il y a beaucoup d'articles de recherche qui reviennent sur le fait que il faut arrêter d'avoir un discours punitif, un discours contraignant, dire que l'écologie ça va être d'interdire des choses, et au contraire montrer, c'est le but du titre de mon bouquin, hein, une société désirable, montrait les avantages qu'on pourrait en retirer. Et donc sans doute qu'on s'est trompé dans ces dernières années, que les gouvernements se sont trompés, et peut-être même aussi d'autres responsables politiques à la fois sur le discours et sur les mesures. Dans le discours, je crois vraiment qu'il faut mettre l'accent sur ce qui sera mieux. Dans les mesures, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire mettre les classes populaires au cœur? Ça veut dire, par exemple, qu'on ne peut pas interdire quelque chose, d'avoir une voiture, si on n'a pas mis en place les alternatives. Parce qu'en effet, on prive les gens de liberté essentielle de se déplacer, par exemple. Alors, je vais prendre un exemple très concret. Je vais prendre l'exemple de l'automobile. l'automobile, jusqu'à maintenant, on avait des constructeurs français qui ont quand même globalement construit des gros SUV hyper polluants, hyper lourds et inaccessibles pour les classes populaires. Un moyen de réconcilier les classes populaires avec la transition écologique, ça serait de parvenir à construire, c'est la proposition d'un institut de recherche qui s'appelle le GERPISA, de construire un petit véhicule électrique, léger, non polluant, accessible financièrement à tout le monde. C'est-à-dire autour de 10 000, 10, 12, 15 000 euros. C'est déjà très cher. Et construit en France. Parce que là, on a tout, on a une alternative, elle est électrique, et on crée de l'emploi en France, alors qu'on sait bien qu'en ce moment, l'industrie automobile, elle est en train d'être considérablement menacée. D'abord, on ne sait pas si on gardera l'interdiction des voitures thermiques neuves en 2035, qu'on a la concurrence chinoise, etc. Donc ça, c'est une réponse que je trouve intéressante. Une autre réponse, je pense à un autre institut de recherche qui s'appelle le Forum Vie Mobile, qui dit, ah bah, en fait, il faut sortir du système voiture, et il faut garantir la possibilité pour chacun d'être mobile en faisant un système avec du train, des cars cadencés, des petites navettes, et du vélo et de la marche. Et donc, il faut complètement reconstruire notre espace et nos territoires. Ça, je trouve ça, non, mais je trouve ça très, très intéressant. Et dans tous les cas, pardon, je reviens sur la force de votre question, qui est de dire comment ça se fait qu'on bouge pas. Mais juste, ce que je voudrais dire, c'est que c'est hyper compliqué. Non, mais on dit, ouais, ils font rien et tout ça. Mais c'est une révolution, en fait, qu'on a à faire. Donc, c'est affreusement compliqué. Il faut qu'on se passe de pétrole, dont on n'a jamais su se passer. Il faut qu'on électrifie tout. Il faut qu'on consomme et qu'on produise moins. Mais il faut quand même que les gens aient des revenus. Donc, il faut redistribuer. C'est un chantier absolument énorme. Et tout ça avec une dette énorme qui est déjà là. Exactement. Et puis un monde ouvert, c'est-à-dire que face aux contraintes internationales, aux règles du jeu, à l'indicateur mètre qu'est le PIB, donc l'impératif de croissance, à la compétition mondiale, aux règles de l'OMC, bah comment est-ce qu'on peut faire une telle transformation, notamment sans choisir l'isolationnisme? Alors, c'est la réponse que je vous faisais tout à l'heure. Ma réponse, c'est l'Europe. Si on y arrive, mais on a un peu une course de vitesse, hein, là. C'est-à-dire que, bon. Oui, et puis, si je la complète, c'est, il y a plein de blocages au niveau européen. Donc, comment ça se passe il faut la refaire de l'intérieur. Moi, je suis très, très émue quand je vois les fédéralistes européens qui, en 1948, donc on est au sortir de la guerre, énormément de gens pensent que la manière de ne plus avoir de guerre, c'est de construire l'Europe politique, l'Europe fédérale, de construire les États-Unis d'Europe. Et en 1948, à La Haye, on a un énorme congrès qui se déploie pendant 3 jours, avec 800 personnes, et il s'agit de construire les États-Unis d'Europe. Et malheureusement, ça va rater. Ça va rater, semble-t-il, c'est la thèse de Robert Salet, à cause de Churchill et des Anglais qui ont pas très envie qu'on construise un pôle qui viendrait contrebalancer leur lien particulier avec les États-Unis. Et donc, pendant les quelques années qui suivent 48, on va essayer de les faire, ces États-Unis d'Europe, et de faire une Europe politique. Et les Français notamment, ils plaident pour une harmonisation des législations sociales et fiscales. Bref. Bon, c'est pas ce qui va être fait, d'accord. Ce que je trouve super intéressant, c'est qu'à l'époque, on est coincé entre le chantage des États-Unis, les États-Unis font un chantage au plan Marshall, et l'URSS, c'est le coup de Prague, etc. Et donc, c'est parce qu'on a peur que l'Europe décide qu'il faut qu'elle s'unisse. Et puis après, c'est la mort de Staline en 53, etc. Donc, ça se détend. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette même situation où on est pris entre deux gros empires qui veulent... quand même, hein, ils disent tous les deux qu'ils veulent notre mort, quoi. Donc, à nous d'avoir la force nécessaire pour faire une vraie Europe. Pas l'Europe qu'on a en ce moment, parce que moi, je suis d'accord avec toutes les critiques, hein, c'est-à-dire, oh, c'est une Europe qui est fondée sur la concurrence, on se fait du dumping social, c'est l'horreur. Reconstruisons radicalement l'Europe pour être suffisamment fort et pour résister contre ce qui se passe. Mais je disais que c'est une course de vitesse, parce que dans tous les États membres, là, on a maintenant des extrêmes droites, dont c'est la cible, hein, l'Union européenne, qui veulent démanteler, faire exploser l'Europe au nom du nationalisme. Donc c'est un retour du nationalisme, donc c'est un retour de la guerre, hein, soyons clairs. Et d'ailleurs, dès le prologue, vous parlez du lien entre capitalisme débridé et montée de l'autoritarisme, et vous parlez de Karl Polanyi notamment, qui en 1944 analysait que les sociétés en mal de protection n'hésitent plus à se jeter dans les bras du régime totalitaire. Donc je voudrais qu'on reste un peu là-dessus pour connaître votre regard sur ce qui se joue en ce moment autour de la montée du désir d'autorité, qui est documenté statistiquement, et de fait de la montée des partis autoritaires partout en Europe. Comment vous diagnostiquez ça? Et au-delà de ça, le lien avec le travail aussi, le lien avec cette envie de mieux vivre finalement et de répondre aux enjeux de sécurité, d'identité, etc. Et la réponse à y apporter en fait. Ouais, je sais pas s'il y a un vrai désir d'autorité, franchement. Je pense qu'il y a une fabrique de quelque chose. Moi, j'aime beaucoup les travaux de Giuliano D'Ampoli qui nous a merveilleusement expliqué ça. Hein. Je pense qu'il y a la fabrique d'un énorme désordre. Et les gens aiment pas le désordre, en effet, parce qu'on a besoin de prévisibilité pour construire sa vie, quoi. Et donc, face à ce désordre, alors les gens disent, on a tout essayé, rien ne se présente, donc il faudrait en effet quelqu'un de fort pour mettre fin au désordre. Mais est-ce que la gauche a une responsabilité aussi dans ce désordre, ou dans cette perception du désordre? Je ne sais plus si la gauche, ça veut dire quelque chose, franchement. Il y a tellement de courants et de clans. On va dire ceux qui ont été au pouvoir. Ceux qui ont été au pouvoir, d'accord. Oui, bien sûr, dans la mesure où... Alors, je mets de côté la période Jospin, qui pour moi a été une période quand même assez exceptionnelle. Il me semble que c'est la dernière bonne période qu'on a vécue, avec des avancées sociales quand même très, très importantes. Ah, parce que l'économie allait bien aussi, on pourrait dire. Tout à fait, l'économie allait bien, mais on avait aussi fait ce qu'il fallait pour qu'elle aille bien, avec de la redistribution, avec quand même la CMU, la prime pour l'emploi, un intérêt pour les classes populaires. Alors, vous me direz que c'était pas parfait, d'accord, c'était pas parfait, mais c'était quand même, pour moi, c'était la gauche plurielle, donc on prenait en considération aussi les questions écologiques. Le problème de la gauche qui accède au pouvoir en 2012 avec François Hollande, c'est qu'en effet, elle ne tient pas ses promesses, qu'elle fait des promesses, taxation des plus riches, etc., et redistribution qu'elle ne tient pas, parce que notre situation économique aussi est un peu, inquiétante. C'est-à-dire que c'est intéressant de regarder aussi les marges de manœuvre, c'est-à-dire entre les contraintes européennes, et finalement, on peut discuter de ce qui dépend du niveau national, et peut-être que c'est beaucoup moins que ce qu'on croit. Et puis, cette tension aujourd'hui sur les moyens, en fait, qu'a la France. C'est-à-dire sur le fait qu'on est un pays qui est extrêmement endetté, que la dette est structurée comme elle est structurée, que donc, on est obligé de la rembourser, sinon ça se passe pas bien. Et voilà, comment on voudrait qu'on revienne un petit peu là-dessus, c'est-à-dire de manière très concrète, entre l'échelon européen, finalement, qu'on ne maîtrise pas, qui est fait de tout un tas de discussions entre un grand nombre d'acteurs, qui fait dire aussi à beaucoup de gens que du coup on a une perte de démocratie puisqu'on ne sait pas ce qui s'y passe, et le fait que on a une économie en fait qui tourne pas bien et que on crée beaucoup moins de richesses. Comment on fait pour trouver l'argent, pour investir, pour sortir, pour trouver une nouvelle manière de jouer à ce jeu-là en fait? Eh bien, il me semble que là encore, je pense qu'on est à un moment vraiment capital, parce que c'est aujourd'hui qu'on peut et qu'on doit changer cette Union européenne pour la mettre au service des gens et plus au service sans doute des seuls mouvements de capitaux, etc. Et donc je pense qu'il faut aller plus loin dans notre construction européenne, l'approfondir, faire passer beaucoup plus, supprimer le droit de veto, faire passer beaucoup plus de décisions à la majorité qualifiée, avoir pour le budget européen des ressources propres. Et alors j'entends tout de suite les critiques, hein, perte de souveraineté, etc. Et là je renvoie à un livre très très important pour moi, un livre et série d'articles très important d'une philosophe tout à fait contemporaine, hein, qui s'appelle Céline Spector, qui a écrit un livre qui s'appelle No Demos, et elle est très intéressante parce que à la fois elle va chercher des ressources dans les philosophes des siècles passés, notamment Montesquieu, mais elle est tout à fait capable d'analyser ce qui se passe aujourd'hui, et elle démontre non seulement dans ce livre mais dans d'autres articles que cette souveraineté, elle peut être tout à fait partagée, c'est-à-dire que on peut avoir une souveraineté européenne. Voilà, ça veut dire une sorte d'autonomie stratégique et de décision et de production européenne à laquelle on participe pleinement. Alors, ça veut dire qu'on n'aura pas toujours gain de cause, nous, la France, mais on n'est pas non plus obligé d'imposer aux autres toutes nos idées, toutes nos coutumes, toutes nos politiques. Et donc, c'est en effet le résultat d'un débat, de discussion. Alors aujourd'hui, certes, l'Union européenne, elle est terriblement bureaucratique, trop bureaucratique. Le Parlement a pas assez de pouvoir. On sait que c'est une organisation quand même très particulière, hein, avec trois grandes instances de pouvoir, la Commission, le Conseil de l'Union européenne, le Parlement. D'accord, je pense que tout ça peut être amélioré. Et si vous voulez, je pense que c'est notre seule voie de sortie. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, on va avoir une France qui, certes, sera peut-être souveraine, qui sera toute recroquevillée, avec que des vieux, avec des petites peurs des autres. On sera bien, là, entre blancs, entre nous. Enfin, non, je crois que vraiment, vraiment, notre seule manière de nous en tirer est d'être un peu ouvert vers l'avenir, progressiste, avoir de l'espoir, être optimiste, reconstruire quelque chose, c'est l'Europe. Alors, pas nécessairement l'Europe à 27 avec toutes ces lourdes procédures. Peut-être que ça va se faire à moins. Peut-être qu'on pourrait se retrouver un plus petit noyau. Mais je suis sûre que c'est ensemble qu'il faut avancer. Alors, vous insistez sur l'importance de susciter des passions joyeuses pour mobiliser. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça peut se traduire politiquement et socialement? Et est-ce que ça peut se faire maintenant dans ce contexte actuel, ou alors est-ce qu'il faut descendre entre guillemets cette espèce de courbe du deuil, notamment par rapport à la problématique écologique, et accepter qu'il y a certaines choses qu'on n'arrivera pas à faire? Voilà, comment on... c'est une discussion que je trouve compliquée, moi personnellement, entre même à chaque fois que je prends la parole, entre expliquer ce qui se passe qui est pas rose, et en même temps voilà, se projeter, susciter l'espoir, susciter l'envie. Comment est-ce que vous articulez tout ça? Alors, je parle de passion joyeuse parce qu'évidemment, je fais référence à Spinoza, hein, qui nous dit que les passions positives et joyeuses, ça augmente notre capacité d'agir. Et aujourd'hui, on est plutôt, en effet, dans des passions négatives. Hein. Là encore, Giuliano da Empoli, la haine, la colère, le ressentiment, le pessimisme, etc. Donc, je pense qu'il faut essayer de susciter ces passions positives en montrant que rien n'est joué, qu'on peut changer. Et comment on peut changer? C'est-à-dire, je pense vraiment que c'est important de dessiner un chemin. Ne pas dire, ah bah demain, ça sera plus rose. Non, comment on fait? Comment on fait? Qui va payer? Qui va devoir faire des efforts? Où est-ce qu'on va aller chercher les ressources? Quels indicateurs on va suivre? Vous avez parlé très rapidement tout à l'heure du PIB. Bon, bah, le PIB, c'est notre indicateur fétiche. Mais nous, ce qu'on propose avec d'autres collègues, c'est, bah, la production, on va l'enfermer, en quelque sorte, l'enserrer dans l'empreinte carbone, qui est un indicateur qui, bah, dont on va organiser la descente, hein. Il faut faire décroître notre empreinte matérielle, notre consommation matérielle. Et l'indice de santé sociale, c'est un indicateur qui a été construit par ma collègue Florence Janicatrice, qui est un peu un indicateur, comme son nom l'indique, hein, de santé sociale, de cohésion sociale. Donc, notre idée, c'est, OK, bien sûr qu'il faut continuer à produire, mais alors il faut produire certainement d'autres choses que celles qu'on produit aujourd'hui. Il faut les produire différemment et il faut les produire en respectant une descente de notre empreinte matérielle et une forme d'équité, d'égalité entre les citoyens pour qu'il n'y ait pas des gens qui soient complètement laissés sur le bord du chemin. Et je pense qu'il faut donner la main aux gens pour participer à cette construction. Je crois qu'il y a plein de ressources, d'envie de construire des choses chez les personnes, mais qu'on leur donne pas la possibilité. C'est pas seulement blablater, hein, c'est pas seulement faire des assemblées, gna gna gna. C'est essayer, non mais voilà, de faire des choses ensemble. Et c'est très important, et c'est pour ça que le travail, c'est vraiment au centre de tout ça. Je veux dire, il y a plein de gens qui s'emmerdent dans leur travail, dont le travail non seulement ne sert strictement à rien, mais détruit des choses. Et si déjà on leur donnait la possibilité de voir que par leur travail, ils contribuent à réparer notre société, à réparer le monde et à construire un truc qui est mieux, bah, ça serait déjà formidable. Donc je pense que c'est ça qu'on a à construire. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça en tant qu'individu ? J'essaie de donner un peu de quoi penser à toutes celles et ceux qui nous écoutent concrètement. On essaye de trouver un boulot qui soit pas un boulot qui abîme, mais qui aille plutôt dans le sens, qui aille plutôt dans le sens de ce qu'on disait, de l'ouverture de ce grand chantier. Deux, on essaye d'en parler avec son entourage pour pas être tout seul et pour pas avoir envie de se jeter par la fenêtre. Trois, moi je continue à croire aux grandes instances comme les partis politiques. On s'inscrit dans des partis politiques ou dans des mouvements ou dans des associations pour porter quelque chose, pour donner de la voix, pour sentir qu'on vaut quelque chose dans ce monde et que notre parole, elle est importante. Et puis, on dit des choses positives parce que je crois à la performativité, c'est-à-dire, moi souvent on me dit « Oh, bah, tes chroniques, elles sont super super optimistes ». Je pense que c'est important que des gens lisent, que d'autres pensent que on peut mieux, on peut aller vers du mieux, que ça nous redonne en quelque sorte, c'est une espèce de fluide qui peut nous permettre d'aller plus loin. Oui, recréer du lien, pas rester tout seul dans son coin, ça recoupe pas mal de choses qu'on a pu me dire, effectivement, pour retrouver, c'est là-dedans, dans les choses concrètes aussi, qu'on retrouve une forme d'élan, en fait. Oui, et y compris, je reparle du travail, pardon, hein, mais les collectifs de travail, quoi. Quand on a des gens qui sont isolés, à qui on fait du voice speaking pour aller chercher des trucs dans les entrepôts, ils sont tout seuls, ils peuvent même pas parler à leurs collègues, c'est la fin de tout, quoi. Donc il faut absolument sauvegarder l'existence de collectifs de travail dans lesquels les gens peuvent se parler. Dernière question, un ou deux livres à lire absolument dans sa vie ou que vous emmèneriez sur une île déserte, il y a plein de manières de la formuler. Bon, c'est difficile, ça. Je sais pas si je les emmènerais sur une île déserte, mais les deux qui m'ont dont je vous ai beaucoup parlé et qui m'ont le plus intéressé ces dernières années, c'est le bouquin de Giuliano d'Ampoli, Les ingénieurs du chaos, parce que ça nous donne des outils pour nous opposer, pour comprendre ce qui se passe exactement. Et puis la lettre Mansholt, hein, ça c'est sûr. Programme de bifurcation écologique, écrit il y a 50 ans, mais complètement actuel. Bah, peut-être que je la lirai dans Sismic, il faut que je vois la longueur, ça peut être intéressant. elle est très courte. Merci beaucoup Dominique, merci. Merci beaucoup, c'était vraiment, vraiment intéressant. J'espère qu'on a fait un petit peu progresser la conscience que des choses sont possibles. Merci. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez trois moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant. Et enfin, le troisième moyen, c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee. Les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord. Nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels. À très vite, merci.